daddy, il m'a ensorcelé. Vas-y, lui, fais pas chier. Fais pas chier. T'as fini de me chier, et puis t'es parti. Je fais jamais les choses à moitié. Au début, tu disais, vas-y, lui, fais pas chier. Qui va dodo, je ravitaille, fumer, teaser, poser, tirer. T'as fini de me chier, et puis t'es parti. C'est toi qui disais, vas-y, lui, elle a dit, il m'a ensorcelé. Lui, là, il m'a ensorcelé. Donc de là, ouais, je te donnerai ce que tu mérites, même si d'habitude. Dans les jours à venir, on agit plus comme ça. T'as fini de...